Aimé Toussaint Mitebouti assure la mise en onde. Nous sommes samedi 2 mai. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grandes articulations. Commémoration ce 2 mai au petit séminaire de Wouta en province Bururi du 23e triste anniversaire des massacres de 40 séminaristes. L'évêque de Bururi appelle à la fraternité. Lors de la célébration ce vendredi de la journée internationale du travail des travailleurs en Ngozi, le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, a demandé que certains administratifs et certains politiciens ne s'ingèrent pas dans le travail des syndicats. Dans cette édition, on parlera également de la campagne électorale en province Gitega. À la fin de cette édition, vous aurez la revue de la presse. La radio de l'avenir. Rebonjour, je vous l'annonçais en titre, célébration ce vendredi de la journée internationale du travail et des travailleurs. Le président de la République du Burundi a mis en garde quiconque tenterait de détourner les fonds publics et de faire le commerce illégal. Dans son discours, Pierre Nkurunziza a souhaité laisser à son successeur un état où les finances sont assainies. Je vous propose de le suivre dans cet extrait traduit en français par Moïse Misago. Nous avons mis en place une commission à la présidence de la République chargée de fournir toutes les informations relatives à la malversation économique. Tout ce qui font ça, qu'ils sachent qu'ils sont en train de toucher l'intouchable. Comprenez bien, soyez des bons informateurs et vous allez recevoir des primes. Nous avons beaucoup de dossiers que personne n'ose pas toucher les fonds publics ou faire le commerce illicite qui peut nuire les fonds publics. On ne va pas supporter cela. L'Office burundais de recettes vient de m'informer que dans les deux mois de février et mars, nous avons collecté 7 milliards de plus sur les prévisions dans le trésor public. Nous ne voulons pas reculer au cours de ce mois d'avril. Nous avons collecté plus de 23 milliards sur les prévisions et au cours du mois de février, plus de 10 milliards et 8 milliards au cours du mois de janvier. Veillons à ce que personne ne nous fait pas perdre du temps. Nous vous invitons tous. Nous voulons que celui qui va nous remplacer se sente bien avec les finances qui sont au bon fixe parce que avant la remise et reprise, la commission va nous donner les noms et ceux qui sont accusés de malversation économique. Je vais m'en charger. Mon successeur n'aura pas à s'en inquiéter. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, et à cette occasion, le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, a demandé aux autorités habilitées de punir sévèrement ceux qui ne se conforment pas au code du travail et demande également à certains administratifs et politiciens de ne pas s'ingérer dans le travail des syndicats. Suivez-le, traduit par Robin Niyonkuru. Nous voulons demander au ministère de la Justice de prendre en main les dossiers des syndicalistes licenciés afin que leurs dossiers soient vite étudiés, comme le stipule l'article 87 de la Convention internationale du travail. Je voulais demander également aux différentes autorités habilitées, dont le ministère du Travail et des Travailleurs, l'Inspection générale du travail, de ne pas prendre à la légère ce comportement, mais de punir sévèrement les auteurs, car ça nous poussera d'ailleurs de leur faire confiance de plus. Licencier, maltraiter ou rétrograder les syndicalistes peut être le début de la dissolution des syndicats parce que ceux qui restent dans les syndicats n'accompliront plus leur mission suite à l'intimidation faite indirectement par leurs employeurs à leurs collègues. Il y a également certains administratifs et politiciens qui s'ingèrent dans le travail des syndicalistes alors que la loi l'interdise. Nous leur conseillons de ne plus le faire parce que chacun a son rôle et travaille conformément au code du travail. Ceux qui sont contre les syndicats sont également contre le développement et la démocratie, qu'ils comprennent et respectent alors la mission des syndicats. Les travailleurs doivent savoir que tous les problèmes liés au contrat du travail et à l'organisation des syndicats sont réglés seulement par les syndicats. Qu'on n'entende plus alors les travailleurs qui sont allés confier les problèmes de travail aux politiciens ou aux administratifs. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans nos studios, poursuivons cette édition. Les Burundais devraient privilégier la fraternité et le bien commun pour sauver l'humanité. Cet appel de Monseigneur Salvatore Niciterese, évêque du diocèse catholique de Bururi, ce samedi au petit séminaire à Saint-Paul de Buta, en commune et province Bururi, lors de la commémoration du 23e anniversaire de l'assassinat de 40 séminaristes martyrs de la fraternité. Nous reviendrons sur cette information dans nos éditions de la soirée. Et en page politique, la Commission électorale nationale indépendante CENIAPEL et les Burundais qui veulent être des membres des bureaux de vote pour les élections de mai a postulé à ces postes à partir de lundi 4 mai. Dans un communiqué de cette commission, l'on indique que l'une des conditions imposées d'avoir été inscrite pour participer aux élections suivait Philippe Nzabonariba, porte-parole de la CENI, traduit en français par Balin Havyarimana. Muntumbero yo gutunganya neza amatora azuba ku itariki 27 mwaka 2022 umugwi w'igihugu wigenga uje gutunganya amatora dans l'objectif de bien préparer les élections du 20 mai, la commission nationale électorale indépendante désire recruter des membres des bureaux de vote. Les conditions exigées sont être de nationalité burundaise, être inscrit au rôle électoral de la colline quartier où l'on souhaite travailler, être natif ou résident de la colline quartier où l'on désire travailler, être âgé de 18 ans et plus, être détenteur d'un diplôme minimum A3, D4, D6, prendre l'engagement d'effectuer l'organisation des opérations de vote et assurer le dépouillement des résultats suivant les normes et conditions exigées par le code électoral et par la CENI, avoir participé à une activité pareille est un atout. Les éléments constitutifs du dossier sont une lettre de motivation manuscrite rédigée en français et adressée au président de la CENI en précisant la colline, quartier et le centre de vote et de choix, une copie de diplôme ou tout autre document attestant le niveau d'études, une copie de la carte nationale d'identité en curriculum vitae et une copie de la carte d'électeur. Les dossiers de candidature sous pli fermé doivent être déposés à la commission électorale communale indépendante. Ceci, les 4 et 5 mai de 7h30 à 17h. Philippe Nzabonariba, porte-parole de la Commission nationale électorale, indépendante CENI. En province Gitega, 4 partis politiques, 2 indépendants et une coalition de partis politiques participent à la campagne électorale pour les présidentielles, comme l'indique le président de la Commission électorale provinciale indépendante dans cette province de Gitega. Et pour les législatives, ces 5 partis politiques, au moment où pour les communales, seuls 4 partis ont des candidats dans toutes les 11 communes que compte la province de Gitega. Le point avec Gérard Nibigira. Les partis politiques tels CNDD, FDD, IPRONA, CNL et Sawanya Frodebu, 2 indépendants à savoir Dieudonné Nahimana et Francis Irohero et la coalition Kira Burundi participent à la campagne électorale à Gitega pour les élections présidentielles telles que le précise le président de la commission électorale et provinciale indépendante SEPI à Gitega. Joseph Maniriho indique que pour les législatives à ces 4 partis politiques s'ajoutent les partis politiques FNL et Sawanya Frodebu Nyakuri et que 9 députés seront élus à Gitega, la province qui compte plus de 444 000 électeurs. Joseph Maniriho souligne que 4 partis politiques, à savoir CNDD-FDD, CNR, IPRUNA et FNR, sont les seuls à faire la campagne électorale pour les communales dans toutes les 11 communes qui composent la province de Gitega. La coalition Kira Burundi et le parti politique Sawanya Frodebu n'ayant des candidats conseillers communaux que dans quelques communes à la CEPI Gitega, l'on dit que les listes des candidats conseillers communaux d'Osawanya Frodebou ont été rejetées dans 6 communes parce qu'elles ne respectaient pas les quotas ethniques. Cependant, le représentant provincial de ce parti à Gitega, l'honorable Norbert Ndiokubgayo, dément ces allégations. Il explique que certes, des irrégularités émanant de la simple erreur ont été observées sur les listes des candidats conseillers communaux des communes Guieta, Gishoubi, Bukirasazi, Itaba, Makebuko et Bugendana. Mais il regrette le fait qu'il a demandé vainement l'autorisation de les corriger. Il y déclare qu'il a même adressé des correspondances à la CPI Gitega pour cela, mais sans réponse. Ainsi donc, Osawanya Frodebou a des candidats conseillers communaux dans 5 communes sur 11 communes que compte la province de Gitega. Depuis Gitega, Janibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira. Terminons cette édition par cette page santé que c'est un communiqué du ministère burundais de la Santé qui vient de nous parvenir juste à l'instant. 4 nouveaux cas de coronavirus viennent d'être confirmés par le ministère de la Santé publique dans un communiqué de presse que ce ministère vient de sortir. Il indique qu'il est à la recherche de l'identification des personnes qui ont été en contact avec ces nouveaux cas. Et bien pour plus de détails, je vous lis l'intégralité de ce communiqué. Bien en date du 28, 29 et 30 avril et 1er mai 2020, l'équipe d'intervention rapide du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida a effectué des prélèvements de contrôle sur les 10 patients testés positifs au COVID-19 qui sont sous suivi médical. Les 5 cas suspects sur alerte respectivement de l'hôpital Boumerec, la polyclinique centrale de Bujumbura, l'hôpital Prince Régent Charles et de la clinique des Nations Unies et 152 personnes contacts, soit un total de 167 personnes prélevées. Eh bien, les résultats des examens virologiques sont les suivants. Parmi les 10 anciens patients sous suivi médical, les résultats des tests de contrôle sont revenus négatifs au COVID-19. Pour 3 personnes toutefois, l'état de santé des 7 autres est bon. Les résultats des cas suspects sont revenus positifs au COVID-19 pour 3 personnes. Et parmi les 152 personnes contact, un cas est revenu positif au COVID-19. Et les trois anciens patients guéris ont eu les billets de sortie de la clinique et Prince Louis et Rwagasore. La recherche et l'identification de toutes les personnes ayant été en contact avec les 4 nouveaux cas positifs au COVID-19 sont en cours. Dans son communiqué, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida réitère son appel aux populations à rester sereines tout en respectant scrupuleusement les mesures de prévention individuelles et collectives contre le COVID-19. Point final de ce communiqué du ministère burundais de la Santé qui vient de confirmer 4 nouveaux cas au COVID-19. Voilà, à 13h09 dans nos studios. Ainsi s'achève cette édition. Mais je vous rappelle également que c'est ce samedi à 2 mai que est commémoré au petit séminaire Saint-Paul de Wuta en province Bururi le 23e triste anniversaire des tueries des 40 séminaristes. Et vous venez de l'entendre, le ministère burundais de la Santé publique qui confirme 4 nouveaux cas au COVID-19. Merci donc à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Tebouti qui a assuré la mise en onde. Un excellent week-end à tous et à tous. Et tout de suite, c'est la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Le sucre, une denrée rare dans la capitale économique, titre le journal Burundi Echo. Cet article est le grand absent sur les étagères des boutiques de la capitale économique. Et les commerçants détaillants et les consommateurs remuent ciel et terre pour trouver ce produit si stratégique. Une situation récurrente, constate ce journal qui rapporte les conclusions de l'enquête de la Commission parlementaire de la bonne gouvernance et de la privatisation menée en 2017. Les membres de cette commission relèvent un déséquilibre entre l'offre et la demande du sucre et indiquent que le problème réside dans la quantité produite par la Sosumo qui est inférieure à la demande. La production annuelle du sucre oscille entre 20 000 et 23 000 tonnes. Par ailleurs, fait remarqué Burundi Eco, la Brarodi à elle seule utilise autour de 4000 tonnes par an. D'autres consommateurs ne cessent d'augmenter avec l'extension des centres urbains et périurbains, l'implantation des unités de transformation des fruits en jus, les boulangeries, les pâtisseries, les fabricants de beignets, etc. Entre-temps, l'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique souligne que les autorités tentent de freiner le mouvement de spéculation qui persiste envers et contre tout, mais en vain. Le journal Iwachu consacre le numéro de cette semaine au grand moment ayant marqué le lancement lundi 27 avril de la campagne électorale telle qu'est retenue par la synergie des médias. Le CNDD-FDD avait choisi Bugendana, une des communes de la province Gitega, pour démarrer sa campagne électorale. Le candidat de ce parti, Evariste Ndayishimiye, a déclaré qu'il sera le commandant du développement. De son côté, le parti Sawanya Frodebou a débuté sa campagne en zone Kinama de la mairie de Bujumbura, où son candidat à la présidentielle, Léon Sengendakumana, a notamment déclaré son intention d'œuvrer à tout prix pour redonner les lettres de noblesse à l'éducation. Iwachu retient ce même slogan pour le candidat Domitien Ndayizeye de la coalition Kira Burundi qui entend revoir la politique de l'éducation pour le bien-être de la jeunesse. C'était Amuranvia. Le candidat indépendant Dieudonné Nahimana, le plus jeune de tous les candidats en lice pour cette présidentielle, comme il l'a déclaré, se montre aussi particulièrement soucieux de l'avenir de la jeunesse. Le parti Uprona avait choisi la commune de Gisozi en province Mwaro et promet des changements dans tous les secteurs. Le Congrès national pour la liberté CNL était au stade de football de Muremera, au chef-lieu de la province Ngozi, où le candidat du CNL à la présidentielle, Agathon Rwasa, a appelé ses militants à voter pour son parti. Enfin, rapporte l'hebdomadaire Iwachu, à Tchankouzo, les compétiteurs ont brillé par leur absence, comme à Makamba, où la campagne n'était pas non plus au rendez-vous. Revue de la presse. Le journal La Voix de l'enseignant revient sur les discours des représentants syndicaux à l'occasion de la fête du travail et des travailleurs. Une rhétorique répétitive de dénonciation selon ce journal. Dans leur discours, les centrales syndicales COSIBU et CSB dressent un tableau peu flatteur de la situation des droits et libertés syndicales au Burundi, rapporte cet hebdomadaire. Elles dénoncent des licenciements abusifs des représentants syndicaux, le refus de la création de syndicats dans différentes entreprises, la lenteur dans la mise en application des procès jugés en faveur des travailleurs, les mauvaises prestations des institutions de protection sociale, notamment l'INSS, l'ONPR et la mutuelle de la fonction publique, le gel des annales qui continue, la question de la politique salariale qui reste sans issue, etc. Et pour une fois, les centrales et syndicales s'approprient la question de la protection de l'environnement en dénonçant les constructions anarchiques sur les berges du lac et rivières, fait remarquer ce journal de l'éducation qui relève aussi que dans son discours à la nation, le chef de l'État n'a pas soufflé mot quant à la question de l'harmonisation salariale tant attendue par les fonctionnaires et surtout les enseignants qui en ont fait la revendication principale. Nos confrères blogueurs de Yaga soulignent quant à eux que les travailleurs et les travailleuses domestiques se disent oubliés. Ils ne bénéficient d'aucun cadre juridique qui les protège alors qu'ils pratiquent leur métier dans des conditions insoutenables. Par ailleurs, insiste ce confrère, la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques est assez claire. Le travail domestique est un métier professionnel. Les travailleurs domestiques qui prennent soin des familles et des foyers doivent bénéficier des mêmes droits fondamentaux au travail que les autres travailleurs. Malheureusement, regrette ce blogueur, le Burundi n'a pas adhéré à cette convention établie en 2011 et ne figure pas par ailleurs sur la liste des 25 pays qui l'ont déjà ratifiée. Et ce blogueur de Yaga d'interpeller l'État à adhérer à cette convention et de voter une loi spécifique régissant les employés de maison. Et c'est la fin de cette revue de presse présentée par Francine Ndeokoubgayo et Jean Bosco Douimane. À la prochaine. Revue de la presse.